Deuxième partie, livre quatrième, suite. Mon itinéraire. Du sommet de Birsa, l'œil embrasse les ruines de Carthage, qui sont plus nombreuses qu'on ne le pense généralement. Elles ressemblent à celles de Sparte, n'ayant rien de bien conservé, mais occupant un espace considérable. Je les vis au mois de février. Les figuiers, les oliviers et les caroubiers donnaient déjà leurs premières feuilles. De grandes angéliques et des acanthes formaient des touffes de verdure parmi les débris de marbre de toutes couleurs. Au loin, je promenais mes regards sur l'isthme, sur une double mer, sur des îles lointaines, sur une campagne riante, sur des lacs bleuâtres, sur des montagnes azurées. Je découvrais des forêts, des vaisseaux, des aqueducs, des villages morts, des ermitages mahométans, des minarets et les maisons blanches de Tunis. Des millions de sansonnets réunis en bataillons et ressemblant à des nuages volaient au-dessus de ma tête. Environné des plus grands et des plus touchants souvenirs, je pensais à Didon, à Sophonisbe, à la noble épouse d'Astrubal. Je contemplais les vastes plaines où sont ensevelies les légions d'Hannibal, de Scipion et de César. Mes yeux voulaient reconnaître l'emplacement du palais d'Utique. Hélas, les débris du palais de Tibère existent encore qu'après, et l'on cherche en vain à Utique la place de la maison de Caton. Enfin, les terribles vandales, les légers morts, passaient tour à tour devant ma mémoire, qui m'offrait pour dernier tableau Saint-Louis expirant sur les ruines de Carthage. Julien achève comme moi de prendre sa dernière vue de l'Afrique à Carthage. Itinéraire de Julien. Le 7 et le 8, nous nous sommes promenés dans les ruines de Carthage, où il se trouve encore quelques fondations, arastères, qui prouvent la solidité des monuments de l'Antiquité. Il y a aussi comme les distributions de bains qui sont submergées par la mer. Il existe encore de très belles citernes. On en voyait d'autres qui étaient comblées. Le peu d'habitants qui occupent ces contrées cultivent les terres qui leur sont nécessaires. Ils ramassent différents marbres et pierres, ainsi que des médailles qu'ils vendent aux voyageurs comme antiques. Monsieur en a acheté pour rapporter en France. Julien raconte brièvement notre traversée de Tunis à la baie de Gibraltar. D'Algésiras, il arrive promptement à Cadix et de Cadix à Grenade. Indifférent à Blanca, il remarque seulement que l'Alhambra et autres édifices élevés sont sur des rochers d'une hauteur immense. Mon itinéraire n'entre pas dans beaucoup plus de détails sur Grenade. Je me contente de dire « l'Alhambra me parut digne d'être remarquée, même après les temples de Grèce ». La vallée de Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à celle de Sparte. On conçoit que les morts regrettent un pareil pays. C'est dans le dernier des avant-serrages que j'ai décrit l'Alhambra. L'Alhambra, le Generalife, le Monte Santo, se sont gravés dans ma tête comme ces paysages fantastiques que, souvent à l'aube du jour, on croit entrevoir dans un beau premier rayon de l'aurore. Je me sens encore assez de nature pour peindre la Vega, mais je n'oserais le tenter de peur de l'archevêque de Grenade. Pendant mon séjour dans la ville des sultanes, un guitariste, chassé par un tremblement de terre d'un village que je venais de traverser, s'était donné à moi. Sourd comme un pot, il me suivait partout. Quand je m'asseyais sur une ruine dans le palais des morts, il chantait debout à mes côtés en s'accompagnant de sa guitare. L'harmonieux mendiant n'aurait peut-être pas composé la symphonie de la création, mais sa poitrine brunie se montrait à travers les lambeaux de sa casaque. Il aurait eu grand besoin d'écrire comme Beethoven à Mademoiselle Brunning, « Vénérable Éléonore, ma très chère amie, je voudrais bien être assez heureux pour posséder une veste de poil de lapin tricotée par vous. » Je traversais d'un bout à l'autre cette Espagne où, 16 années plus tard, le ciel me réservait un grand rôle, en contribuant à étouffer l'anarchie chez un noble peuple et à délivrer un Bourbon. L'honneur de nos armes fut rétabli, et j'aurais sauvé la légitimité si la légitimité avait pu comprendre les conditions de sa durée. Julien ne me lâche pas qu'il ne m'ait ramené sur la place Louis XV. Le 5 juin 1807. À 3 heures après-midi. De Grenade, il me conduit à Aranjuez, à Madrid, à l'Escurial, d'où il saute à Bayonne. « Nous sommes repartis de Bayonne, dit-il, le mardi 9 mai, pour Pau, Tarbes, Barège et Bordeaux, où nous sommes arrivés le 18, très fatigués, avec chacun un mouvement de fièvre. Nous en sommes repartis le 19, et nous avons passé à Angoulême et à Tours, et nous sommes arrivés le 28 à Blois, où nous avons couché. Le 31, nous avons continué notre route jusqu'à Orléans, et ensuite nous avons fait notre dernier coucher à Augerville. J'étais là à une poste d'un château dont mon long voyage ne m'avait point fait oublier les habitants. Mais les jardins d'Armide, où étaient-ils ? Deux ou trois fois, en retournant aux Pyrénées, j'ai aperçu du grand chemin la colonne de Méréville. Ainsi que la colonne de Pompée, elle m'annonçait le désert, comme mes fortunes de mer, tout a changé. J'arrivais à Paris avant les nouvelles que je donnais de moi, j'avais devancé ma vie. Tout insignifiante que sont les lettres que j'écrivais, je les parcours comme on regarde de méchants dessins qui représentent des lieux qu'on a visités. Ces billets datés de Modon, d'Athènes, de Zéa, de Smyrne et de Constantinople, de Jaffa, de Jérusalem, d'Alexandrie, de Tunis, de Grenade, de Madrid et de Burgos, ces lignes tracées sur toutes sortes de papiers avec toutes sortes d'encre, apportées par tous les vents, m'intéressent. Il n'y a pas jusqu'à mes firmans que je ne me plaise à dérouler. J'en touche avec plaisir le vélin, j'en suis l'élégante calligraphie et je m'ébahis à la pompe du style. J'étais donc un bien grand personnage. Nous sommes de bien pauvres diables avec nos lettres et nos passeports à 40 sous auprès de ces seigneurs du turban. Osman Seïd, pacha de Morée, adresse ainsi à qui de droit mon firmant pour Athènes. Homme de loi des bourgs de Misitra, Sparte et d'Argos, Cadi, Nadir et Fendi, de qui puisse la sagesse s'augmenter encore, honneur de vos pères et de nos grands, Vaïvode, et vous, par qui voit votre maître, qui le remplacez dans chacune de vos juridictions, gens en place et gens d'affaires dont le crédit ne peut que croître, nous vous mandons qu'entre les nobles de France, un noble, particulièrement, de Paris, muni de cet ordre, accompagné d'un janissaire armé et d'un domestique pour son escorte, a sollicité la permission et expliqué son intention de passer par quelques-uns des lieux et positions qui sont de vos juridictions, afin de se rendre à Athènes, qui est un isthme, hors de là, séparé de vos juridictions. Voilà donc Effendi, Vaïvode, et tous autres désignés ci-dessus, quand le susdit personnage arrivera au lieu de vos juridictions, vous aurez le plus grand soin qu'on s'acquitte envers lui des égards et de tous les détails dont l'amitié fait une loi, etc., etc. En 1221 de l'Égire. Mon passeport de Constantinople pour Jérusalem porte, au tribunal sublime de sa grandeur, le cadi de Koutz, Jérusalem, shérif très excellent Effendi. Très excellent Effendi, que votre grandeur, placée sur son tribunal auguste, agrée nos bénédictions sincères et nos salutations affectueuses. Nous vous mandons qu'un personnage noble de la cour de France, nommé François-Auguste de Chateaubriand, se rend en ce moment vers vous pour accomplir le saint pèlerinage des chrétiens. Protégerions-nous de la sorte le voyageur inconnu près des maires et des gendarmes qui visitent son passeport ? On peut lire également dans ses firmants les révolutions des peuples. Combien de laissez-passer a-t-il fallu que Dieu donna aux empires pour qu'un esclave tartare imposât des ordres à un vaïvode de Misitra, c'est-à-dire à un magistrat de Sparte, pour qu'un musulman recommandât un chrétien au cadi de Koutz, c'est-à-dire de Jérusalem ? L'itinéraire est entré dans les éléments qui composent ma vie. Quand je partis en 1806, un pèlerinage à Jérusalem paraissait une grande entreprise. Or que la foule m'a suivi et que tout le monde est en diligence, le merveilleux s'est évanoui. Il ne m'est guère resté en propre que Tunis. On s'est moins dirigé de ce côté et l'on convient que j'ai désigné la véritable situation des ports de Carthage. Cette honorable lettre le prouve. Monsieur le vicomte, je viens de recevoir un plan du sol et des ruines de Carthage, donnant les contours exacts et les reliefs du terrain. Il a été levé trigonométriquement sur une base de 1500 mètres. Il s'appuie sur des observations barométriques faites avec des baromètres correspondants. C'est un travail de 10 ans de précision et de patience. Il confirme vos opinions sur la position des ports de Byrsa. J'ai repris avec ce plan exact tous les textes anciens, et j'ai déterminé, je crois, l'enceinte extérieure et les autres parties du coton, de Byrsa et de Mégara, etc., etc. Je vous rends la justice qui vous est due à tant de titres. Si vous ne craignez pas de me voir fondre sur votre génie avec ma trigonométrie et ma lourde érudition, je serai chez vous au premier signe de votre part. Si nous vous suivons, mon père et moi, dans la littérature, longissimo intervallo, au moins nous aurons tâché de vous imiter par la noble indépendance dont vous donnez à la France un si beau modèle. J'ai l'honneur d'être, et je m'en vante, votre franc admirateur, Durot de la Malle. Une pareille rectification des lieux aurait suffi autrefois pour me faire donner un nom en géographie. Dorénavant, si j'avais encore la manie de faire parler de moi, je ne sais où je pourrais courir afin d'attirer l'attention du public. Peut-être reprendrai-je mon ancien projet de la découverte du passage au pôle Nord. Peut-être remonterai-je le Gange. Là, je verrai la longue ligne noire et droite des bois qui défendent l'accès de l'Himalaya. Lorsque, parvenu au col qui attache les deux principaux sommets du mont Gangour, je découvrirai l'amphithéâtre incommensurable des neiges éternelles. Lorsque je demanderai à mes guides, comme Hébert, l'évêque anglican de Calcutta, le nom des autres montagnes de l'Est, il me répondrait qu'elle borde l'Empire chinois. À la bonne heure, mais revenir des pyramides, c'est comme si vous reveniez de Montlhéry. À ce propos, je me souviens qu'un pieux antiquaire des environs de Saint-Denis, en France, m'a écrit pour me demander si Pontoise ne ressemblait pas à Jérusalem. La page qui termine l'itinéraire semble être écrite en ce moment même, tant elle reproduit mes sentiments actuels. Il y a 20 ans, disais-je, que je me consacre à l'étude au milieu de tous les hasards et de tous les chagrins. Diversa exiglia et desertas quaere terras. Un grand nombre des feuilles de mes livres ont été tracées sous la tente, dans les déserts, au milieu des flots. J'ai souvent tenu la plume sans savoir comment je prolongerai de quelques instants mon existence. Si le ciel m'accorde un repos que je n'ai jamais goûté, je tâcherai d'élever en silence un monument à ma patrie. Si la Providence me refuse ce repos, je ne dois songer qu'à mettre mes derniers jours à l'abri des soucis qui ont empoisonné les premiers. Je ne suis plus jeune, je n'ai plus l'amour du bruit. Je sais que les lettres, dont le commerce est si doux quand il est secret, ne nous attirent au dehors que des orages. Dans tous les cas, j'ai assez écrit si mon nom doit vivre, beaucoup trop s'il doit mourir. Il est possible que mon itinéraire demeure comme un manuel à l'usage des juifs errants de ma sorte. J'ai marqué scrupuleusement les étapes et tracé une carte routière. Tous les voyageurs à Jérusalem m'ont écrit pour me féliciter et me remercier de mon exactitude. J'en citerai un témoignage. « Monsieur, vous m'avez fait l'honneur, il y a quelques semaines, de me recevoir chez vous, ainsi que mon ami, monsieur de Saint-Lomer. En vous apportant une lettre d'Abou Gosh, nous venions vous dire combien on trouvait de nouveaux mérites à votre itinéraire en le lisant sur les lieux, et comme on appréciait jusqu'à son titre même, tout humble et tout modeste que vous l'ayez choisi, en le voyant justifié à chaque pas par l'exactitude scrupuleuse des descriptions, fidèles encore aujourd'hui, sauf quelques ruines de plus ou de moins, seul changement de ces contrées, etc. » Jules Follenlot, rue Caumartin, numéro 23. Mon exactitude tient à mon bon sens vulgaire. Je suis de la race des Celtes et des Tortues, race pédestre. Non du sang des Tartares et des oiseaux, race pourvue de chevaux et d'ailes. La religion, il est vrai, me ravit quelquefois dans ses bras. Mais quand elle me remet à terre, je chemine, appuyé sur mon bâton, me reposant aux bornes pour déjeuner de mon olive et de mon pain bis. Si je suis moult allée en bois, comme font volontiers les François, je n'ai cependant jamais aimé le changement pour le changement. La route m'ennuie. J'aime seulement le voyage à cause de l'indépendance qu'il me donne, comme j'incline vers la campagne, non pour la campagne, mais pour la solitude. « Tout ciel m'éteint, dit Montaigne. Vivons entre les nôtres, allons mourir et rechigner entre les inconnus. » Il me reste aussi de ces pays d'Orient quelques autres lettres parvenues à leur adresse plusieurs mois après leur date. Des pères de la Terre Sainte, des consuls et des familles, me supposant devenus puissants sous la Restauration, ont réclamé auprès de moi les droits de l'hospitalité. De loin, on se trompe et l'on croit ce qui semble juste. M. Gaspari m'écrivit en 1816 pour solliciter ma protection en faveur de son fils. Sa lettre est adressée à M. le vicomte de Chateaubriand, grand maître de l'Université royale à Paris. M. Caff, ne perdant pas de vue ce qui se passe autour de lui et m'apprenant des nouvelles de son univers, me mande d'Alexandrie. Depuis votre départ, le pays n'est pas amélioré, quoique la tranquillité règne. Quoique le chef n'ait rien à craindre de la part des Mamelouks, toujours réfugiés dans la haute Égypte, il faut pourtant qu'ils se tiennent en garde. Abdelwald fait toujours des siennes à la Mecque. Le canal de Manouf vient d'être fermé. Mais Mehmet Ali sera mémorable en Égypte pour avoir exécuté ce projet, etc. Le 12 août 1816, M. Pangallo fils m'écrivait de Zéa. Monseigneur, votre itinéraire de Paris à Jérusalem est parvenu à Zéa. et j'ai lu au milieu de notre famille ce que votre Excellence veut bien y dire d'obligeant pour elle. Votre séjour parmi nous a été si court que nous ne méritons pas, à beaucoup près, les éloges que votre Excellence a faits de notre hospitalité et de la manière trop familière avec laquelle nous vous avons reçus. Nous venons d'apprendre aussi, avec la plus grande satisfaction, que votre Excellence se trouve replacée par les derniers événements et qu'elle occupe un rang dû à son mérite autant qu'à sa naissance. Nous l'en félicitons et nous espérons qu'au fait des grandeurs, M. le comte de Chateaubriand voudra bien se ressouvenir de Zéa, de la nombreuse famille du vieux Pangallo, son hôte, de cette famille dans laquelle le consulat de France existe depuis le glorieux règne de Louis le Grand qui a signé le brevet de notre aïeul. Ce vieillard si souffrant n'est plus, j'ai perdu mon père, je me trouve avec une fortune très médiocre, chargée de toute la famille. J'ai ma mère, 6 sœurs à marier et plusieurs veuves à ma charge avec leurs enfants. J'ai recours aux bontés de votre Excellence. Je la prie de venir au secours de notre famille en obtenant que le vice-consulat de Zéa, qui est très nécessaire pour la relâche fréquente des bâtiments du roi, ait des appointements comme les autres vice-consulats. Que d'agent que je suis, sans appointement, je sois vice-consul, avec le traitement attaché à ce grade. Je crois que votre Excellence obtiendrait facilement cette demande en faveur des longs services de mes aïeux, si elle daignait s'en occuper, et qu'elle excusera la familiarité importune de vos hôtes de Zéa, qui espèrent en vos bontés. Je suis avec le plus profond respect, Monseigneur, de votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur. M.G. Pangallo. Zéa, le 3 août 1816. Toutes les fois qu'un peu de gaieté me vient sur les lèvres, j'en suis puni comme d'une faute. Cette lettre me fait sentir un remords en relisant un passage, atténué, il est vrai, par les expressions reconnaissantes, sur l'hospitalité de nos consuls dans le Levant. Mesdemoiselles Pangallo, dis-je dans l'itinéraire, chantent en grec. Ah, vous dirai-je, maman ? Monsieur Pangallo poussait des cris, les coqs s'égosillaient, et les souvenirs d'Ulysse, d'Aristée, de Simonide étaient complètement effacés. Les demandes de protection tombaient presque toujours au milieu de mes discrédits et de mes misères. Au commencement même de la Restauration, le 11 octobre 1814, je reçus cette autre lettre datée de Paris. « Monsieur l'ambassadeur, Mademoiselle Dupont, des îles Saint-Pierre et Miquelon, qui a eu l'honneur de vous voir dans ces îles, désirerait obtenir de votre Excellence un moment d'audience. » Comme elle sait que vous habitez la campagne, elle vous prie de lui faire savoir le jour où vous viendrez à Paris et où vous pourrez lui accorder cette audience. J'ai l'honneur d'être, etc., Dupont. Je ne me souvenais plus de cette demoiselle de l'époque de mon voyage sur l'océan, tant la mémoire est ingrate. Cependant, j'avais gardé un souvenir parfait de la fille inconnue qui s'assit auprès de moi dans la triste Cyclade glacée. Une jeune marinière parut dans les déclivités supérieures du Morne. Elle avait les jambes nues, quoiqu'il fît froid, et marchait parmi la rosée, etc. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchèrent de voir Mademoiselle Dupont. Si par hasard c'était la fiancée de Guillaumy, quel effet un quart de siècle avait-il produit sur elle? Avait-elle été atteinte de l'hiver de Terre-Neuve, ou conservait-elle le printemps des fèves en fleurs, abritées dans le fossé du fort Saint-Pierre? À la tête d'une excellente traduction des lettres de saint Jérôme, messieurs Colombet et Grégoire ont voulu trouver dans leurs notices, entre ce saint et moi, à propos de la Judée, une ressemblance à laquelle je me refuse par respect. Saint Jérôme, du fond de sa solitude, traçait la peinture de ses combats intérieurs. Je n'aurais pas rencontré les expressions de génie de l'habitant de la grotte de Bethléem. Tout au plus, aurais-je pu chanter avec saint François, mon patron en France, et mon hôtelier au Saint-Sépulcre, ces deux cantiques en italien de l'époque qui précède l'italien de Dante. In foco la mort mimisse, in foco la mort mimisse. J'aime à recevoir des lettres d'outre-mer. Ces lettres semblent m'apporter quelques murmures des vents, quelques rayons des soleils, quelques émanations des destinées diverses que séparent les flots et que lient les souvenirs de l'hospitalité. Voudrais-je revoir ces contrées lointaines? Une ou deux, peut-être? Le ciel de l'Attique a produit en moi un enchantement qui ne s'efface point. Mon imagination est encore parfumée des myrtes du temple de la Vénus au jardin et de l'iris du Céphise. Fénelon, au moment de partir pour la Grèce, écrivait à Bossuet la lettre qu'on va lire. L'auteur futur du Télémaque s'y révèle avec l'ardeur du missionnaire et du poète. divers petits accidents ont toujours retardé jusqu'ici mon retour à Paris. Mais enfin, monseigneur, je pars, et peu s'en faut que je ne vole. À la vue de ce voyage, j'en médite un plus grand. La Grèce entière s'ouvre à moi, le sultan effrayé recule, déjà le Péloponnèse respire en liberté, et l'église de Corinthe va refleurir. La voix de l'apôtre s'y fera encore entendre. Je me sens transporté dans ces beaux lieux et parmi ces ruines précieuses pour y recueillir, avec les plus curieux monuments, l'esprit même de l'Antiquité. Je cherche cet arrêt au page où saint Paul annonça aux sages du monde le Dieu inconnu. Mais le profane vient après le sacré et je ne dédaigne pas de descendre au Pirée où Socrate fait le plan de sa République. Je monte au sommet du Parnasse, je cueille les lauriers de Delphes et je goûte les délices du Tempé. Quand est-ce que le sang des Turcs se mêlera avec celui des Perses sur les plaines de Marathon, pour laisser la Grèce entière à la religion, à la philosophie et aux beaux-arts qui la regardent comme leur patrie? Arvoi, beata, petamus arvoi, divites et insulas. Je ne t'oublierai pas, ô île consacrée par les célestes visions du disciple bien-aimé. Ô heureuse Patmos, j'irai baiser sur la terre les pas de l'apôtre, et je croirai voir les cieux ouverts. Là, je me sentirai saisi d'indignation contre le faux prophète qui a voulu développer les oracles du véritable, et je bénirai le Tout-Puissant qui, loin de précipiter l'Église comme Babylone, enchaîne le dragon et la rend victorieuse. Je vois déjà le schisme qui tombe, l'Orient et l'Occident qui se réunissent, et l'Asie qui voit renaître le jour après une si longue nuit. La terre sanctifiée par les pas du Sauveur et arrosée de son sang, délivrée de ses profanateurs et revêtue d'une nouvelle gloire. Enfin, les enfants d'Abraham épars sur toute la terre et plus nombreux que les étoiles du firmament qui, rassemblés des quatre vents, viendront en foule reconnaître le Christ qu'ils ont percé et montrer à la fin des temps une résurrection. En voilà assez, monseigneur. Et vous serez bien aise d'apprendre que c'est ma dernière lettre et la fin de mes enthousiasmes, qui vous importuneront peut-être. Pardonnez-les à ma passion de vous entretenir de loin, en attendant que je puisse le faire de près. F.R. de Fénelon. C'était là le vrai nouvel Homère, seul digne de chanter la Grèce et d'en raconter la beauté au nouveau Chrysostome. Je n'ai devant les yeux des sites de la Syrie, de l'Égypte et de la terre punique que les endroits en rapport avec ma nature solitaire. Il me plaisait indépendamment de l'Antiquité et de l'art et de l'histoire. Les pyramides me frappaient moins par leur grandeur que par le désert contre lequel elles étaient appliquées. La colonne de Dioclétien arrêtait moins mes regards que les festons de la mer le long des sables de la Libye. À l'embouchure pélusiaque du Nil, je n'aurais pas désiré un monument pour me rappeler cette scène peinte par Plutarque. La Franchie chercha au long de la grève où il trouva quelques deux mourants du vieil bateau de pêcheurs, suffisant pour bruceler un pauvre cornu et encore non tout entier. Ainsi, comme il les amassoit et assemblois, il survint un Romain, homme d'âge qui, en ses jeunes ans, avoit été à la guerre sous Pompée. « Ah ! Lui dit le Romain, tu n'auras pas tout seul cet honneur, et te prie, veuille-moi recevoir pour compagnon en une si sainte et si dévote rencontre, afin que je n'aie point occasion de me plaindre en tout, ayant, en récompense de plusieurs maux que j'ai endurés, rencontré au moins cette bonne aventure de pouvoir toucher avec mes mains et aider à ensevelir le plus grand capitaine des Romains. » Le rival de César n'a plus de tombeau près de la Libye. Une jeune esclave libyenne a reçu de la main d'une Pompée une sépulture non loin de cette Rome, d'où le grand Pompée était banni. À ces jeux de la fortune, on conçoit comment les chrétiens s'allaient cacher dans la Thébaïde. Née en Libye, ensevelie à la fleur de mes ans sous la poussière ozonienne, je repose près de Rome, le long de ce rivage sablonneux. L'illustre Pompée, qui m'avait élevé avec une tendresse de mère, a pleuré ma mort et m'a déposé dans un tombeau qui m'égale, moi, pauvre esclave, aux Romains libres. Les feux de mon bûcher ont prévenu ceux de l'hymen. Le flambeau de Proserpine a trompé nos espérances. Anthologie. Les vents ont dispersé les personnages de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, au milieu desquels j'ai paru et dont je viens de vous parler. L'un est tombé de l'acropolis d'Athènes, l'autre du rivage de Chio. Celui-ci s'est précipité de la montagne de Sion, Celui-là ne sortira plus des flots du Nil ou des citernes de Carthage. Les lieux aussi ont changé. De même qu'en Amérique s'élèvent des villes où j'ai vu des forêts, de même un empire se forme dans ces arènes de l'Égypte où mes regards n'avaient rencontré que des horizons nus et ronds comme la bosse d'un bouclier, disent les poésies arabes, et des loups si maigres que leurs mâchoires sont comme un bâton fendu. La Grèce a repris cette liberté que je lui souhaitais en la traversant sous la garde d'un janissaire, mais jouit-elle de sa liberté nationale ou n'a-t-elle fait que changer de joug ? Je suis, en quelque façon, le dernier visiteur de l'Empire turc dans ses vieilles mœurs. Les révolutions qui partout ont immédiatement précédé ou suivi mes pas se sont étendues sur la Grèce, la Syrie, l'Égypte. Un nouvel Orient va-t-il se former ? Quand sortira-t-il ? Recevrons-nous le châtiment mérité d'avoir appris l'art moderne des armes à des peuples dont l'état social est fondé sur l'esclavage et la polygamie ? Avons-nous porté la civilisation au dehors ou avons-nous amené la barbarie dans l'intérieur de la chrétienté ? Que résultera-t-il des nouveaux intérêts, des nouvelles relations politiques, de la création des puissances qui pourront surgir dans le Levant ? Personne ne saurait le dire. Je ne me laisse pas éblouir par des bateaux à vapeur et des chemins de fer, par la vente du produit des manufactures et par la fortune de quelques soldats français, anglais, allemands, italiens, enrôlés au service d'un pacha. Tout cela n'est pas de la civilisation. On verra peut-être revenir au moyen des troupes disciplinées des Ibrahim futurs les périls qui ont menacé l'Europe à l'époque de Charles Martel et dont plus tard nous a sauvé la généreuse Pologne. Je plains les voyageurs qui me suivront. Le harem ne leur cachera plus ses secrets. Ils n'auront point vu le vieux soleil de l'Orient et le turban de Mahomet. Le petit bédouin me criait en français lorsque je passais dans les montagnes de la Judée, « En avant, en marche !» L'ordre était donné, et l'Orient a marché. Le camarade d'Ulysse, Julien, qu'est-il devenu ? Il m'avait demandé, en me remettant son manuscrit, d'être concierge dans ma maison, rue d'Enfer. Cette place était occupée par un vieux portier et sa famille, que je ne pouvais renvoyer. La colère du ciel ayant rendu Julien volontaire et ivrogne, je le supportais longtemps. Enfin, nous fûmes obligés de nous séparer. Je lui donnai une petite somme et lui fis une petite pension sur ma cassette, un peu légère, mais toujours copieusement remplie d'excellents billets hypothéqués sur mes châteaux en Espagne. Je fis entrer Julien, selon son désir, à l'hospice des vieillards. Il y acheva le grand et dernier voyage. J'irai bientôt occuper son lit vide, comme je dormis au camp d'Etnirkapi, sur la natte d'où l'on venait d'enlever un musulman pestiféré. Ma vocation est définitivement pour l'hôpital où gît la vieille société. Elle fait semblant de vivre et n'en est pas moins à l'agonie. Quand elle sera expirée, elle se décomposera afin de se reproduire sous des formes nouvelles, mais il faut d'abord qu'elle succombe. La première nécessité pour les peuples comme pour les hommes est de mourir. La glace se forme au souffle de Dieu, dit Job. Ici se termine le livre 4 de la deuxième partie des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand.